Ok, c'est... On s'appelle Till It's a Crime, mais on chante que en français, pas en anglais, on est vraiment série. Il y a un truc super important, c'est que je vous présente Emeline. Emeline est super importante parce que elle m'aide à m'accorder. La corde mi, la corde sol. Donc si je peux avoir un mi, merci. Ça me semble correct, merci. Pas mal. Et en fait, ouais, Emeline, elle est super importante pour moi parce que je vais essayer de faire vite. Normalement, je parle pendant 20 minutes, mais si je parle pendant 20 minutes, on est dans la merde. Parce que Emeline, quand... Vous savez quoi, Quand elle me prend dans ses bras, j'aime me parle tout bas. Faites sortir ce chien, les oreilles fragiles. Moi je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour. Ouais, des mots, tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Dans ce jardin au verger non vierge de vagins et de verges. Suspicion. Suspicion. Suspicion. Suspicion.

Ok. Je suis Je te retourne, ouais. Yeah.